Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. La bonne pensée envers Allah tabaraka wa ta'ala fait naître dans ton cœur l'envie de te rapprocher de lui azza wa jalla et t'éloigne du fait de t'espérer de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Islahul umma, réformation de la communauté. Et il en est ainsi pour quiconque pense du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cela le pousse à se presser d'accomplir des bonnes œuvres et tout acte qu'il agrée. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. C'est cela la bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que celui qui place sa confiance en Allah et s'en remet à lui azza wa jalla, Allah ne le délaissera pas, il le renforcera, le secourra et le défendra. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri hafidhahullah ta'ala. Pourquoi as-tu une mauvaise pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala en pensant qu'il ne te fera pas miséricorde alors que tu fournis des efforts dans son adoration? Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bidammaj au Yémen. Et celui qui pense qu'Allah soutiendra la mécréance et les mécréants, et le faux et les gens du faux, et qu'il anéantira la vérité et les véridiques, a certes une mauvaise pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Il est donc strictement interdit à quiconque d'avoir une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sermon numéro 9, husnul dhann billah, la bonne pensée envers Allah. Donc aie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, aie confiance en lui, ô toi l'homme de droiture. Nous demandons à Allah azza wa jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes, ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne peut être égaré, et celui qui l'égare ne peut être guidé. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul. Rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint, et ne mourrez qu'en étant soumis. Ya ayyuha an-nas ittaqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan kathīran wa nisā'a

Ô vous les gens, certes Allah Azza wa Jalla est bien plus miséricordieux envers nous que nous ne le sommes nous-mêmes envers notre propre personne. Il est donc obligatoire pour chaque croyant d'avoir une bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala, car la bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala, d'elle en résulte sa crainte. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Et cherchez secours dans l'endurance et la prière, car certes la prière est une lourde obligation, sauf pour ceux qui craignent leur Seigneur, qui ont la certitude de le rencontrer le jour de la résurrection et de retourner à lui. Allah Azza wa Jalla nous a ainsi clairement exposé que celui qui pense du bien de lui devient craintif envers lui Azza wa Jalla, et il a ainsi décrit que la bonne pensée envers lui te raffermit dans ta religion et t'y maintient et te permet de faire face victorieusement aux ennemis d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Puis au moment de partir avec les troupes, Talut dit: Allah va certes vous éprouver par une rivière. Quiconque y boira ne sera plus des miens. Et quiconque se sera abstenu d'en boire sera des miens, passe pour celui qui puisera un peu dans le creux de sa main. Ils en burent alors, sauf un petit nombre d'entre eux. Puis lorsqu'ils l'eurent traversé, lui et les croyants qui l'accompagnaient, ils dirent: nous voilà faibles aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. Quant à ceux qui étaient convaincus de leur rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, ils dirent: combien de troupes peu nombreuses ont par la grâce d'Allah Allah subhanahu wa ta'ala vaincu des troupes plus nombreuses qu'elle, et Allah est avec les endurants. Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent: Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Ils les mirent ainsi dans déroute par la grâce d'Allah, et Daoud tua Goliath, et Allah lui donna la royauté et la sagesse et lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue, mais Allah est plein de faveur envers les créatures des mondes. Ainsi, la chose qui nous importe dans ce verset est que dès lors que ces gens ont eu une bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les a secourus et soutenus. Et il en est ainsi jusqu'à ce qu'Allah leur fit hériter la terre et ce qu'elle contenait. C'est donc par cette bonne pensée que leur est venu le soutien ainsi que le secours. Allah azza wa jalla a dit: سنّة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Telle est la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Ô serviteur d'Allah, la bonne pensée envers Allah Azza wa Jalla te pousse à revenir à lui et à te repentir auprès de lui Azza wa Jalla, et le fait d'avoir une mauvaise pensée envers lui a pour conséquence l'inverse de cela. Il a dit Azza wa Jalla: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés provenant de la Mecque, Al-Muhajiroun, et ceux qui les accueillirent à Médine, Al-Ansar, qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis il accueillit leur repentir, car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Et il accueillit aussi le repentir des trois personnes qui n'étaient pas parties avec eux, et étaient restées chez eux, jusqu'à ce que la terre leur parut exiguë, aussi vaste qu'elle fût. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, jusqu'à ce qu'ils pensaient qu'il n'y avait de refuge qu'auprès d'Allah. Puis il agréa leur repentir, afin qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le très miséricordieux. Ainsi, lorsqu'Allah a eu connaissance de ce que cachaient au fond d'eux ces trois personnes, Ka'ab ibn Malik, Wahilal ibn Umayya, wa Murarat ibn al-Arabi, et du fait qu'ils eurent cette bonne pensée envers lui, subhanahu wa ta'ala, et qu'ils étaient revenus à lui, et à son adoration et son obéissance, Allah leur a alors pardonné cette faute, et il mentionna dans son livre le Coran à jamais qu'il leur avait pardonné et qu'il leur avait fait miséricorde. Et il en est ainsi pour quiconque pense du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cela le pousse à se presser d'accomplir des bonnes œuvres et tout acte qu'il agrée. La bonne pensée envers Allah azza wa jalla t'éloigne des interdits, comme cela a éloigné cet homme parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa femme mentionnée dans la parole d'Allah. إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا كَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais c'est plutôt un bien pour vous, à chacun d'eux ce qu'il a commis comme péché. Et celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Pourquoi, lorsque vous avez entendu cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit « c'est une calomnie évidente » ? Et il a été rapporté d'Abu Ayyub et de son épouse radiyallahu anhuma que lorsque certains parmi les hypocrites ont parlé sur Aïchatou radiyallahu anha en l'accusant d'avoir commis l'adultère, l'information parvint à Abu Ayyub. Son épouse lui dit ainsi: « Oh Abu Ayyub, as-tu entendu ce que les gens disent ?» Il dit alors: « Je ne les écoute pas par Allah, cela est un mensonge. As-tu déjà fait ce qu'ils disent ?» Elle répondit non. Il dit alors: « Eh bien, la mère des croyants, Aïcha, est meilleure que toi, et je ne vois pas dans cette affaire de récit authentique qui explique la raison de leurs paroles. » La bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala t'amène à te presser à accomplir des bonnes œuvres dans ce bas monde, afin qu'au jour de la résurrection, tu fasses partie des gens qui récupéreront leurs livres mentionnant leurs actions de la main droite. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Quant à celui à qui il aura remis le livre dans sa main droite, il dira: « Tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. » Il jouira donc d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de main. Il leur sera dit: « Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. » Et cela, grâce à la bonne pensée qu'il avait envers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il l'a poussé à accomplir des actes pieux et à se précipiter d'avancer dans ce bas monde des bonnes actions pour l'au-delà. Allah azza wa jalla a dit: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Et la bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala est ce qui causa aux djinns leur acceptation de la guidée et le fait qu'ils se sentent continuellement surveillés par Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla a dit: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزاد هم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا صالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله. Dis, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns ont entendu de mes paroles. Puis ils dirent: nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture, le Coran. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Notre diable disait des extravagances à l'encontre d'Allah et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne seraient jamais proférés de mensonges à l'encontre d'Allah. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui recherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. victimes, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Et ils avaient pensé comme vous avez pensé qu'Allah ne ressusciterait jamais personne. Auparavant, nous frôlions le ciel et nous le trouvions rempli de gardes de bolides et nous y prenions place pour écouter. Mais maintenant, quiconque prête l'oreille trouve contre lui un bolide aux aguets. Nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de cette terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont moins, et nous étions divisés en différentes sectes. Nous pensons bien que nous ne saurions jamais réduire Allah à l'impuissance sur la terre, et que nous ne saurions jamais le réduire à l'impuissance en nous enfuyant. Tout ceci est dû à la bonne pensée envers Allah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement exposé, comme il a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, dans le récit d'Abu Huraira radiallahu anhu, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'après son Seigneur qui a dit: certes, je suis avec mon serviteur selon la pensée qu'il a de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque, et celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée, et celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse, et celui qui vient à moi en marchant, je viens à lui hâtivement. Et Muslim a rapporté dans son recueil de récits authentiques le récit de Jabir radiallahu anhu, qui expose que la bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de la bonne fin pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde le succès. Et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit peu avant sa mort à plusieurs reprises que personne d'entre vous ne meurt si ce n'est en pensant que du bien d'Allah. La bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala est donc la pensée avec laquelle la personne meurt d'une bonne fin. Et la mauvaise pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala est celle avec laquelle la personne meurt d'une mauvaise fin. Dès lors, quelques interrogations à ce propos se posent. Pourquoi as-tu une mauvaise pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala en pensant qu'il ne te secourra pas alors que tu purifies ton intention? Pour quelle raison as-tu une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala en pensant qu'il ne te préservera pas alors que tu places ta confiance en lui? Pourquoi as-tu une mauvaise pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala en pensant qu'il ne te fera pas miséricorde alors que tu fournis des efforts dans son adoration? Les deux savants, Al-Bukhari et Muslim, ont rapporté dans le recueil de récits authentiques, dans le récit d'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'était caché avec lui dans la grotte alors que les Quraishites étaient à leur poursuite: ô messager d'Allah, si l'un d'entre eux avait regardé au niveau de ses pieds, il nous aurait certainement vus. Il lui répondit alors: que penses-tu de deux personnes dont la troisième est Allah? C'est cela la bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que celui qui place sa confiance en Allah et s'en remet à lui azza wa jalla, Allah ne le délaissera pas. Il le renforcera, le secourra et le défendra. Et At-Tirmidhi a rapporté dans son recueil de récits le récit d'Ibn Abbas radiallahu anhu, qui a dit: j'étais un jour derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il me dit alors: ô garçon, je vais t'enseigner quelques mots. Préserve-toi des interdits d'Allah, Allah te préservera. Préserve-toi des interdits d'Allah, tu le trouveras à tes côtés. Si tu demandes quelque chose, demande-le à Allah. Si tu implores le secours, implore-le d'Allah. Et sache que si l'ensemble de l'humanité se rassemblait afin de t'être utile à propos d'une chose, il ne le serait que pour quelque chose qu'Allah aura décrété en ta faveur. Et si l'ensemble de l'humanité se rassemblait afin de t'être nuisible à propos d'une chose, il ne le serait que pour quelque chose qu'Allah aura décrété à ton encontre. Les calames sont levés et les feuilles ont séché. C'est cela l'enseignement de la bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala, donné à cet enfant Ibn Abbas radiallahu anhu. C'est ainsi qu'a germé dans son cœur cette bonne pensée envers Allah azza wa jalla dès son plus jeune âge, jusqu'à ce qu'il vive de la sorte et devienne comme l'avait voulu pour lui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Adorateur d'Allah, la bonne pensée envers Allah tabaraka wa ta'ala fait naître dans ton cœur l'envie de te rapprocher de lui azza wa jalla et t'éloigne du fait de t'espérer de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ce que font apparaître beaucoup de gens, faisant naître dans le cœur des gens le désespoir. Et Muslim a certes rapporté dans le récit d'Abu Huraira et de Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhuma, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en expédition en direction de Tabouk et que leurs provisions s'amoindrirent, ils voulurent alors égorger quelques bêtes parmi celles qu'ils avaient avec eux pour s'en nourrir et profiter de leur graisse. Alors Omar radiallahu anhu vint au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, que penses-tu qu'au lieu de leur permettre d'égorger quelques bêtes parmi leurs montures, tu leur demandes de venir avec le reste de leurs provisions, puis tu invoques Allah sur elles pour qu'il y mette sa bénédiction? Ce que fit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils rassemblèrent ainsi sur une nappe une petite quantité de nourriture. Certains vinrent avec une poignée de dattes, d'autres avec l'équivalent d'orge, et ainsi de suite. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoqua Allah Allah afin qu'ils bénissent toute cette nourriture qu'ils avaient réunie. Ainsi tous mangèrent jusqu'à ce qu'ils furent rassasiés, et il ne resta aucun récipient dans le campement sans qu'il soit rempli. Il resta même quelques restes au sol qu'ils ne furent portés du fait de cette invocation bénie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée excepté Allah, et que je suis le messager d'Allah. Il n'y a personne qui rencontrera Allah avec ces deux témoignages sans le moindre doute à leur sujet qui sera empêché d'entrer au paradis. Et les deux savants Al-Bukhari et Muslim ont rapporté dans le récit de Mu'ad radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Mu'ad, connais-tu le droit qu'Allah a sur ses serviteurs et le droit que ses serviteurs ont sur Allah? Je répondis: Allah et son messager sont plus savants. Il dit: eh bien, le droit qu'Allah a sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer, et le droit que ses serviteurs ont sur Allah est qu'il ne châtiera pas celui qu'il ne lui aura rien associé. Tout ceci est la conséquence de la bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui pousse l'individu vers l'obéissance d'Allah et qui le préserve de la nonchalance ainsi que de la paresse. Et Muslim a rapporté dans le récit de Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhum que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah étend sa main la nuit pour que se repente celui qui a péché le jour, et il étend sa main le jour pour que se repente celui qui a péché la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Et dans les deux recueils de récits authentiques, Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah créa l'univers, il écrivit dans son livre, qui se trouve auprès de lui au-dessus du trône, ma miséricorde a devancé ma colère. Et dans les deux recueils de récits authentiques, dans un autre récit de Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala possède 100 miséricordes, dont il n'a fait descendre qu'une seule d'entraîne sur les êtres vivants, partagée entre les djinns, les êtres humains et les animaux. C'est avec celle-ci qu'ils s'affectionnent et qu'ils se font miséricorde les uns les autres, et que le fauve est bienveillant vers sa progéniture. Et Allah subhanahu wa ta'ala a retardé les 99 autres miséricordes afin de faire miséricorde à ses serviteurs le jour de la résurrection. Tout cela est en rapport avec la bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc strictement interdit à quiconque d'avoir une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: يَذُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا. Et ils avaient des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. Il disait: est-ce que nous avons d'une part dans cette affaire? Dit: l'affaire tout entière est à Allah. Il cache au fond d'eux ce qu'il ne te révèle pas. Ils disent: si nous avions eu le choix dans cette affaire, nous n'aurions certainement pas été tués ici. Celui qui pense qu'il mourra un jour lointain, alors qu'Allah le fera mourir le lendemain, a certes une mauvaise pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui pense qu'il sera privé d'une nourriture qu'Allah lui a permis de manger, ou d'une boisson qu'Allah lui a permis de boire, et qu'il pense qu'il ne pourra jamais l'atteindre, a certes une mauvaise pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui pense qu'Allah ne rendra jamais victorieux ses messagers et ses livres, et qu'il ne donnera jamais la victoire à ceux qui le secourent, a certes une mauvaise pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui pense qu'Allah soutiendra la mécréance et les mécréants, et le faux et les gens du faux, et qu'il anéantira la vérité et les véridiques, a certes une mauvaise pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, aie confiance en lui, ô toi l'homme de droiture. Certes Allah défend les gens qui croient. Il a dit subhanahu wa ta'ala: inna Allah yudafi'u anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafura. Allah prend la défense de ceux qui croient, Allah n'aime aucun traître ingrat. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. Et quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. Et c'est en Allah qu'il faut que vous ayez confiance si vous êtes croyant. Et il a dit azza wa jalla: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et pourvoira à ses besoins par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a signé une mesure à chaque chose. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Malik Yawm al-Din, al-Malik al-Haqq al-Mubin, Khaliq al-Samawati wal-Aradin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ البلاغ المبين. Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur des mondes, Roi du jour du jugement dernier, le Souverain, la vérité et l'éclatant, le Créateur des cieux et des terres. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis le message clair. Serviteur d'Allah, parmi les choses que commettent les gens qui ne placent pas leur confiance en Allah, il y a le fait qu'ils propagent des paroles vaines et futiles entre les gens et les dérangent. Le fait par exemple de propager des rumeurs entre eux, comme le fait de prétendre que la fin des temps allait survenir en l'an 2000, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا » Qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Donc quiconque prétend qu'Allah la fera survenir tel jour précis, à telle heure précise sans science, alors cette personne est un menteur fini. Allah subhanahu wa ta'ala a dit يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, sa connaissance est exclusive à Allah. Qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, cinq choses ne sont connues que d'Allah, et parmi elles, l'heure de la fin des temps. Et de même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wa la mawludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun ma dha taksubu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah 'alimun khabir. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le Père ne sera utile en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son Père. La promesse d'Allah est vérité, que la vie présente ne vous trompe pas et que le trompeur Satan ne vous induise pas en erreur au sujet d'Allah. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice et il sait ce qu'il y a dans les matrices et personne ne sait ce qu'il acquérera demain et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. De même, parmi les rumeurs que les gens propagent et qu'ils ont réussi à faire entrer dans les cœurs des gens, il y a la peur de manger certaines nourritures en prétendant qu'elles provoquent telle ou telle maladie, jusqu'à exagérer à leur sujet et à priver les musulmans d'en jouir et d'en profiter. Tout ceci à cause d'une parole fausse. Peut-être que certaines bêtes sont mortes de mort naturelle, comme cela se produit tout au long de l'année. Par Allah, tout ceci n'est dû qu'au manque de confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Faire les causes est une chose demandée, mais à condition que celle-ci soit vraie et confirmée, mais qu'il se propage chez les gens des informations faibles et que celles-ci les poussent à ne pas profiter de leurs bêtes et de leur bétail, eh bien par Allah, cela est de l'injustice. Adorateur d'Allah, le manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala a certes augmenté chez les gens. Et parmi les causes de cela, il y a la rapacité, la convoitise, l'avarice et aussi le fait de tomber dans les interdits ainsi que dans l'accomplissement d'œuvres et d'actions vaines et caduques. Tout ceci résulte de la mauvaise pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Et quiconque craint Allah, Allah lui donnera une issue favorable et pourvoira ses besoins par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit, Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a signé une mesure à chaque chose. Donc pense-tu, toi le misérable, que tu vas être privé de ta subsistance si tu ne travailles pas pour telle organisation, alors qu'il s'agit d'une organisation de contrôle des naissances, ou telle autre parmi les organisations de mécréance qui appellent au faux, et dont les fondateurs sont les mécréants, c'est-à-dire des juifs ou des chrétiens. Sais-tu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Personne ne mourra tant qu'il n'aura pas totalement obtenu ce qui lui a été décrété comme subsistance, et tant qu'il n'aura pas atteint son terme de vie, alors craignez Allah et agissez convenablement lors de la recherche de votre subsistance. » Existence. Et Muslim a rapporté dans son recueil de récits authentiques, dans le récit de Abu Dar, radiallahu anhu, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a rapporté d'après son Seigneur, qui a dit « Oh mes serviteurs, si vous tous, du premier d'entre vous au dernier, djinn et êtres humains, étiez tels que le plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Oh mes serviteurs, si vous tous, du premier d'entre vous au dernier, djinn et êtres humains, étiez tels que le plus pervers d'entre vous, cela ne diminuerait rien à mon royaume. Oh mes serviteurs, si vous tous, du premier d'entre vous au dernier, djinn et être humain, vous vous dressiez en un seul endroit, puis me demandiez quelque chose, et que je répondais à la demande de chacun d'entre vous, cela ne diminuerait rien à mon royaume, si ce n'est comme l'aiguille qui fait diminuer le niveau de la mer lorsqu'on y trempe. Et parmi ce qui fait partie de la mauvaise pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne répondra pas aux invocations d'une personne faite sincèrement. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je répondrai à votre demande. Ceux qui, par orgueil, refusent de m'adorer, entreront bientôt en enfer, humiliés. Et les deux savants, Al-Bukhari et Muslim, ont rapporté dans le récit de Abu Hurayrah, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que l'un d'entre vous nous dise ô Seigneur, pardonne-moi si tu veux, ô Seigneur, fais-moi miséricorde si tu veux, mais plutôt qu'il soit décidé lors de sa demande, car rien n'est impossible à Allah. Et dans une autre version, mais plutôt qu'il soit décidé lors de sa demande et qu'il augmente son désir, car rien auprès d'Allah n'est trop grand, et ce qu'il accorde comme subsistance de sa main, de nuit comme de jour, ne diminue en rien de ce qu'il possède. Comme cela a été rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alameen.